Ah, mes amis. Bon, dans le Bundestag, je l'ai dit, je l'ai fait. Hier, j'ai participé au casting de la prochaine édition de L'île de la Tentation. Et comme prévu, c'était Sœur Emmanuelle qui jouait le rôle de ma fiancée. Suivant, j'appelle le couple Emmanuel Helmut. Ah, c'est à nous. Moins de le cul, Manu. Comment? Ah, c'est à notre tour. Moins de le cul, vieille bique. On part en Afrique. Oh, c'est ça. Allez, viens, viens. On passe à la douane. J'espère que tu as fait tous tes vaccins, mon petit Helmut. Ah, t'inquiète pas, ma Minerva. Le premier Morbac qui s'approche de moi, il s'approche trop près du slip, il explose en plein vol. C'est vous le couple Helmut et Emmanuel? Ah, absolument, mon gaillard. Vous connaissez le principe de l'île de tentation. Chacun sur son île. Les filles se font chauffer par les garçons coiffeurs. Les gars se font allumer par les morues en string. Ah, quelle couille du Kaiser rôtit son enfer. Oh, c'est que du connais du bonheur. Qu'est-ce qu'elle en pense, la fiancée? Ah, elle est super contente. Je vais lui demander quand même. Alors, t'es contente, Manu? Tu vas participer à l'île de la tentation. Ça va être du sport. Mon passeport? Attendez, il doit être au fond de mon sac, monsieur le douanier. Qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, rien du tout, rien du tout. Elle adore faire des blagues, la vieille. Eh bien, il reste plus qu'à passer la dernière épreuve du casting. Déshabillez-vous, s'il vous plaît. Vous voulez dire... à poil? Oui, à poil. Vous savez pas quel risque vous prenez, mon vieux. Ma partenaire, ça fait 58 ans qu'elle s'est pas fait le maillot. C'est plus une touffe qu'elle a, hein. C'est une loutre. Oui, ben faut que je vois quand même. Vous l'aurez voulu. Hé, hey, Manu, faut que tu te déshabilles. C'est le douanier qui veut. Comment? À poil, Cruella. Ah, cul nu. Et ce qui devait arriver, arriva. Manu s'est foutu à poil. Et le mec qui faisait le pastis. Le mec qui faisait le casting est tombé. Le mec qui faisait le casting est tombé. Le mec qui faisait le casting. Le mec qui faisait le casting est tombé dans les vapes. C'était pas une loutre qu'elle avait à la place du pubis. C'était un sanglier, les amis. Oh, putain. Bon, c'est foutu pour l'île de la tentation. Tant pis. Demain, je vais aller piquer les radasses du bachelor. Oh, putain, c'est ça.